Bonjour, je voudrais du Stroclémina perastodontalin. Du Stroclémina perastodontalin evatitroglycerumissux ou du bleu ? Bleu ? La santé, c'est compliqué. Découvrez Alan, l'assurance santé 100% digitale qui fait simple et vous rembourse en 72 heures seulement. Merci Man Farine et à la semaine prochaine. Qu'est-ce que la vie ? Si la question semble évidente, ou presque de notre point de vue de terrien, il se pourrait qu'il faille en redéfinir les contours pour l'observer ailleurs dans l'univers, et c'est ce que propose de faire un astrobiologiste américain qui propose un nouveau concept. Après life, la vie, voici loif, une conception renouvelée de la vie grâce à la thermodynamique. De son côté, la physique des particules semble à l'aube d'une renaissance. Plusieurs anomalies détectées par trois grandes expériences défient nos connaissances, à commencer par le modèle standard de la physique des particules. Il faut donc maintenant creuser ces expériences et comprendre pourquoi la physique entre dans l'ère des anomalies. Enfin, un disque de bronze agite la communauté des archéologues depuis bientôt 20 ans, le disque de Nebra avec ses mystérieux signes cosmiques, une lune en croissant, des étoiles, qui en faisait jusqu'alors la plus vieille représentation du cosmos au monde, aurait finalement 1000 ans de moins que ce que l'on pensait. Redéfinition de la vie, anomalie des particules et disques de Nebra, c'est le programme nimbé de mystère de cette table ronde actualité. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de toutes ces questions scientifiques mystérieuses, j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui Mathilde Fontaise. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Science et Vie. Bonjour Olivier Lascar. Bonjour Antoine. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes directeur du pôle digital de Science et Avenir. Et bonjour David Liouapre. Bonjour. Vous êtes physicien et auteur du blog et de la chaîne YouTube Science Étonnante. Mais tout d'abord, et comme tous les jours, nous retrouvons celle qui fait se lever le soleil et la lune sur les informations scientifiques. Il s'agit, vous l'aurez reconnu, de Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence avec une étude parue dans Science Translational Medicine. Les enfants et les adultes n'ont pas la même réponse immunitaire face au SARS-CoV-2. Et pourquoi les symptômes du Covid-19 sont moins sévères chez les plus jeunes ? Alors certes, il y a les comorbidités, souvent liées à l'âge, mais pas que. Cette équipe américaine a étudié la réponse immunitaire de 60 cas pédiatriques et de 65 cas adultes. Les chercheurs ont découvert que les plus jeunes expriment des niveaux plus élevés de deux molécules spécifiques du système immunitaire, l'interleukine 17A et l'interféron gamma. Alors, l'interleukine aide à mobiliser la réponse du système immunitaire au cours d'une infection, tandis que l'interféron gamma combat la réplication virale. Ce sont deux molécules du système immunitaire inné. L'étude montre que plus les patients sont jeunes, plus leurs niveaux sont élevés. Les adultes, eux, montrent une réponse du système immunitaire adaptatif beaucoup plus vigoureuse, avec de forts taux d'anticorps neutralisants. Selon les auteurs, c'est peut-être parce que les enfants ont une réponse immunitaire innée plus robuste et plus précoce que cela les empêche de progresser vers des symptômes plus graves. En bref, selon une étude parue dans Nature Physics, des physiciens viennent de découvrir un nouveau type de supraconducteur. Ouais, les supraconducteurs, ce sont des matériaux qui ne montrent aucune résistance électrique, de façon à ce que l'électricité puisse les traverser avec une efficacité proche de 100%. Mais ils ne fonctionnent qu'à basse, très basse température. Jusqu'à présent, on n'en connaissait que deux types, les supraconducteurs à ondes S et à ondes D. Alors, ils dépendent de la configuration des paires de Cooper, c'est-à-dire de la façon dont les électrons se déplacent ensemble. Depuis plus de 20 ans, l'un des principaux candidats pour un nouveau type de supraconducteur est le ruthénate de strontium. Une équipe américaine a utilisé la spectroscopie ultrasonore et a découvert que le matériau est potentiellement un nouveau type de supraconducteur, un supraconducteur à ondes G. Les chercheurs vont poursuivre plus en détail leur analyse sur le ruthénate de strontium. On continue avec une étude parue dans PLOS ONE qui a en partie percé le mystère de l'effet placebo. Mais pourquoi un traitement factice peut aider les gens à se sentir mieux ? L'explication biologique de l'effet placebo restait mystérieuse. Une équipe allemande est allée chercher cette réponse dans le sang. Une centaine de participants ont suivi une expérience qui provoque la nausée. Un groupe recevait un traitement antinauséeux, un autre un placebo et le dernier rien. Les chercheurs ont examiné les échantillons de sang avant et après l'expérience. Chez ceux qui ont affirmé ne plus avoir de nausées avec un placebo, ils ont trouvé 74 protéines qui semblent être liées à cet effet. Des protéines qui jouent même un rôle dans le contrôle de l'inflammation. Alors d'une part, ça signifie qu'un test sanguin confirme l'effet d'un placebo sur les symptômes, et d'autre part, ces résultats révèlent des changements dans la chimie du sang qui pourraient expliquer l'effet lui-même. Selon les auteurs, nous pourrions avoir un impact sur l'inflammation avec un placebo. Cette découverte permettrait aussi de mieux évaluer les médicaments conçus pour cibler l'inflammation. En bref toujours, selon une étude parue dans Nature Communication, l'évolution de la confiance sociale peut se lire dans la peinture classique. Une équipe française a entraîné un algorithme de machine learning à reconnaître les expressions faciales du visage. Les expressions de sympathie, au contraire, celles de la méfiance, que l'on peut lire sur les sourires ou sur les sourcils. Ils ont utilisé cet algorithme sur près de 2000 portraits européens de la National Portrait Gallery de Londres, qui ont été peints entre le 14e et le 21e siècle. L'histoire du portrait révèle bien cette évolution historique de la confiance en l'autre. Leurs résultats montrent une augmentation au fil du temps des expressions faciales de sympathie. Les auteurs expliquent cette évolution par le déclin de la violence sociétale, par l'augmentation du niveau de vie, ainsi que par l'émergence d'institutions plus démocratiques. Et dans le journal des sciences cette semaine, Natacha, nous avons parlé des mystères chimiques de l'eau surfondue, d'un biomarqueur de la maladie d'Alzheimer présent dans les yeux, du Covid-19 et de la charge virale des personnes asymptomatiques, de l'omniprésence préoccupante des perfluorés dans les aliments, mais aussi dans l'actualité des sciences, en ultra bref. Oui, cette semaine, la Station Spatiale Internationale a dû faire une manœuvre pour éviter un éventuel impact avec des débris spatiaux. Alors, par précaution, le vaisseau a donc changé d'orbite. Avec l'augmentation de la pollution de l'orbite terrestre, ce type d'opération risque de devenir de plus en plus fréquente. La NASA réclame plus de moyens pour surveiller le nombre croissant des débris spatiaux. Cette semaine, dans Nature Astronomie, une étude présente une curiosité stellaire. Le télescope TESS a détecté une étrange exoplanète située à 263 années-lumière de la Terre, LTT 9779b, une Neptune ultra chaude qui orbite très proche d'une étoile similaire au Soleil. Elle fait le tour de son étoile en seulement 19 heures. La température locale est de 1725 degrés. Et enfin, les oiseaux aussi ont leurs dialectes régionaux. Certaines espèces communiquent par le son que produisent leurs battements d'ailes. Des chercheurs se sont intéressés au langage des ailes du moucherolle à queue fourchue, un oiseau migrateur d'Amérique. Ils ont observé deux populations différentes et ils ont découvert que les sons produits par leurs ailes diffèrent d'un groupe à l'autre. Lors de combats ou lors de parades amoureuses, les deux groupes ont chacun leur signature sonore, en d'autres mots, du patois de passereau. Et on termine, comme chaque vendredi, par la rubrique d'improbablologie. Aujourd'hui, Natacha, vous nous soignez, puisque des chercheurs se demandent pourquoi les chiens sont coprophages. Alors, vous le savez peut-être, certains chiens adorent les excréments, et en particulier les excréments humains. Un anthropozoologiste californien pense que les matières fécales humaines ont peut-être influencé l'évolution canine. Nos déjections ont probablement joué un rôle dans la domestication du chien. Contrairement aux loups, qui, eux, ne consomment pas de crotte humaine, les hommes et les femmes du paléolithique fournissaient aux chiens une source de nourriture abondante. La coprophagie canine serait donc une adaptation évolutive, une stratégie d'auto-domestication. Par ailleurs, d'autres études ont déjà montré que pour les chiens, les excréments humains sont étonnamment nutritifs. Bon appétit à tous et merci beaucoup Natacha. On se retrouve lundi. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Une réaction peut-être, un petit tour de table avant de se lancer dans le grand bain des sujets scientifiques que vous nous avez concoctés pour cette semaine. Mathilde Fontaine, une réaction à un sujet qui vous a particulièrement parlé. Oui, c'est le sujet des débris spatiaux. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. On avait fait un article dans le magazine Science et Vie, du coup, à ce sujet-là, il y a quelques mois, qui montrait qu'il y avait un problème aussi de contrôle de ces données. C'était Xavier Pascaux qui s'exprimait dans Nos Pages, qui est un spécialiste de politique spatiale et qui disait que ces données-là, en fait, sont collectées par certaines entreprises privées pour aider la NASA, qui sous-traite, comme il est bien normal. Mais ce sont des données stratégiques, en fait, puisqu'on sait aussi qu'il y a beaucoup au-dessus de nos têtes de satellites l'observation de satellites militaires et même que qu'il faut garder en l'état en fait ces satellites de communication dont on est ultra dépendant. Et donc ces données, ce suivi de satellites au-dessus de nos têtes avec leur nombre pour évaluer à la fois les risques de panne, de collision et également pouvoir comprendre un peu toute la dynamique de la flotte, sont vraiment vitales et il y a de grands mouvements en ce moment. Ça va sans doute se clarifier. On avait consacré une émission entière aux débris spatiaux. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Olivier, une réaction à ce journal des sciences, un sujet qui vous a... Peut-être sur la même question, parce que le patron de la NASA, Jim Bridenstine, a dit que c'était déjà la troisième fois cette année, en 2020, que la station spatiale avait été obligée, contrainte à faire une manip comme celle-là. Et il a vraiment mis l'accent sur le fait qu'il y avait de plus en plus de débris dans l'espace. Et c'est vrai qu'on commence à se... Enfin, on commence pas, ça fait un moment qu'on se demande s'il restera de la place là-haut, parce que avec des projets comme ceux des constellations de satellites, on rappelle que Elon Musk, toujours lui, avec le projet Starlink, veut installer pas moins de 42 000 satellites à terme pour fournir le web à toute la planète, et que son alter ego diabolique Jeff Bezos d'Amazon veut faire la même chose avec le projet Kuiper. Donc bientôt on va être épaule contre épaule là-haut, quoi. L'espace est saturé. David Bapre, une réaction à ce moment-là. Moi plutôt sur les supraconducteurs, c'est vraiment un sujet de recherche étonnant, parce qu'en fait les supraconducteurs, ça existe depuis très longtemps et il y a finalement très très peu de progrès théoriques qui ont été faits. On parle parfois de supraconductivité haute température. Alors haute température, ça veut dire moins de 100 degrés. Et donc le sujet continue de progresser d'un point de vue expérimental, mais on a l'impression que plus le temps passe, plus cet horizon du supraconducteur qui marcherait à température ambiante semble lointain. Et c'est fascinant de voir qu'un sujet qui n'est pas la physique des particules très microscopique ou de la cosmologie, etc., quelque chose qui concerne des matériaux presque du quotidien, finalement, on fait encore très peu de progrès théoriques et ça reste un des problèmes les plus importants et de la physique aujourd'hui. Il y a un autre sujet que j'aimerais rapidement évoquer avec vous, Mathilde Fontaise. On n'en a pas parlé dans le Journal des Sciences, mais cette semaine, la Société des journalistes de Sciences et Vie, le journal où vous travaillez, a fait paraître une lettre et menace d'une démission collective. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu la situation actuelle au sein de ce journal? Oui, bien sûr. Alors, donc, je m'exprime au nom de la Société des journalistes, du coup, et pas en mon nom personnel pour parler de ça. Alors, la Société des journalistes n'a pas menacé d'une démission collective. Elle a simplement appelé son actionnaire, Kiri World Media, qui a racheté Mondadori, la société qui éditait Science et Vie il y a un an, de répondre à deux questions qui paraissent majeures à l'équipe. La première, c'est de répondre à la question des moyens. Est-ce que l'actionnaire garantit la qualité, le maintien de la qualité de Science et Vie? Il y a beaucoup de gens qui sont partis lorsque Mondadori a été racheté par Reworld à Science et Vie. Il y a eu des remplacements qui ont été effectués, mais pas encore suffisamment pour garantir la qualité. Par exemple, il manque une personne en interne à Science et Vie pour suivre le secteur de la santé, médecine et de l'alimentation, ce qui n'est pas rien, et ce qui n'est encore moins rien en cette période de Covid. Donc, on est bien évidemment épaulé par une rédaction à l'extérieur de pigistes qui nous aident, qui font partie intégrante de l'équipe, et on s'est appuyé sur eux. On n'a pas lié ces manques pendant un an, mais là, l'équipe demande le renfort arrive enfin. Et puis il y a la question aussi de l'indépendance éditoriale sur le site internet de Science et Vie. Là, il y a eu des précédents récemment qui font craindre à la rédaction que le contrôle éditorial leur échappe sur internet. Or, le site internet de Science et Vie fait intégralement partie de Science et Vie, ça n'est pas à part. Et la rédaction demande à ce que l'actionnaire confirme que la rédaction est bien en charge de la ligne éditoriale et du contrôle éditorial du site internet. Ces deux questions ont été posées à l'actionnaire et l'actionnaire n'a pour l'instant pas répondu, d'où une certaine tension que la Société des journalistes a souhaité communiquer à l'extérieur aussi pour que tous les gens qui soutiennent Science et Vie puissent s'exprimer et les chercheurs qui nous ont soutenus, par exemple, dans une tribune lors du rachat il y a un an. Oui. On se souvient il n'y a pas longtemps aussi de l'annonce de la fusion entre Science et Avenir et la recherche, Olivier Lascar. C'est vraiment... une période un peu particulière pour la presse de vulgarisation scientifique. Oui, c'est une période qui est difficile pour la presse en général, j'aurais tendance à dire. Ce qui est paradoxal avec la presse scientifique, c'est qu'avec la période de l'épidémie de Covid. Cela fait des mois que l'on constate tous qu'on a besoin de journalistes scientifiques pour médier la parole des chercheurs, pour expliquer le plus clairement possible les choses, pour ne pas laisser la place aux polémiques stériles, aux fausses nouvelles, etc. Et alors que ce constat est posé, il est admis par tous. Il n'y a personne sur la place publique qui va dire « De toute évidence, on a moins besoin de journalistes scientifiques. » Alors que le constat est posé par tous, on voit que concrètement, c'est le phénomène complètement inverse qui se produit. C'est-à-dire que nulle part on peut citer de grand journal qui aura engagé une équipe de journalistes scientifiques pour bien parler de ces sujets-là. C'est tout à fait paradoxal. Hein. C'est fait... Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, Antoine. Oui. Je renvoie en tout cas les auditeurs de la méthode scientifique à l'émission qu'on avait consacrée à la presse scientifique avant l'été. On l'avait intitulée « Presse scientifique sous pression », donc un titre qui était déjà un petit peu dans ce bain-là. On va commencer ce tour de table de l'actualité scientifique avec vous, David Loipre. Vous venez de publier sur votre chaîne « Science étonnante » la deuxième vidéo d'une série consacrée à la définition de la vie. Récemment, la découverte d'une biosignature dans l'atmosphère de Vénus relançait la course au grand titre comme « De la vie sur Vénus » ou encore « Enfin une vie extraterrestre ». Bref, rien que de très habituel dans ce genre de situation, mais ça permet de poser la question, au fond, c'est quoi la vie? Vous avez 14 minutes, ou presque, c'est un peu compliqué. Oui, alors déjà, c'est une question qui évidemment est vieille comme la science, hein, c'est-à-dire que plein de gens se sont posé la question de qu'est-ce que la vie. Et en fait, on peut se demander à quoi ça sert de se poser cette question et d'essayer de trouver une définition de la vie. Et en fait, ça sert principalement dans deux disciplines qui sont très reliées, qui sont la question de comment est-ce qu'on essaye de reconstituer l'histoire de l'émergence de la vie sur Terre, comment la vie est apparue sur Terre, et puis est-ce qu'il pourrait exister une forme de vie ailleurs que sur Terre, une forme de vie extraterrestre? Et donc ces questions-là, elles sont traitées notamment dans cette discipline qu'on appelle l'exobiologie, alors que le petit point de vocabulaire, hein, les anglo-saxons maintenant utilisent plutôt le terme astrobiologie. Bon, en France, c'est plutôt exobiologie. Bon, on va dire que les deux sont interchangeables. Et donc c'est cette discipline qui s'intéresse aux conditions d'émergence de la vie, que ce soit sur Terre ou ailleurs. Et évidemment, quand on essaye de se poser cette question de est-ce qu'il y a de la vie ailleurs que sur Terre, on a plutôt intérêt à s'être fixé une définition. Sinon, comment est-ce qu'on va être sûr de reconnaître quand on verra de la vie? Une définition qui est assez proche finalement de la vie telle qu'on la connaît. On s'imagine la vie ailleurs telle que nous on l'aperçoit. Alors voilà, c'est le réflexe qu'on a tendance à avoir. C'est-à-dire que finalement, on ne connaît qu'une forme de vie qui est celle qui existe sur Terre. Et donc, quand on se demande comment définir la vie, la première chose qu'on peut faire, c'est regarder autour de nous et se dire quelles sont les caractéristiques communes à ce qu'on a autour de nous et qu'on a envie de qualifier d'être vivant. Et donc ces caractéristiques communes, elles sont bien connues, hein. C'est le fait qu'on est tous faits de cellules dont les membranes sont à peu près toujours les mêmes, le métabolisme de tous les êtres vivants est fait sur à peu près la même biochimie à base d'ATP, on retrouve évidemment de l'ADN, de l'ARN dans tous les êtres vivants pour le stockage de l'information génétique, mais intuitivement on voit bien que si on utilise ces critères-là pour définir la vie au sens large, ça risque de pas marcher pour la recherche d'une vie extraterrestre, parce que on peut se dire qu'il y a peu de chances qu'on tombe sur une forme de vie extraterrestre qui soit faite exactement du même ADN, les mêmes acides aminés, de la même façon, etc. Donc il faut essayer de s'affranchir de ça. Et en fait, quand on se pose la question d'une définition de la vie, il faut bien avoir en tête que l'idée n'est pas forcément d'avoir une définition qui marcherait parfaitement, qui serait nickel et qui changerait plus. C'est plus un exercice intellectuel pour essayer un peu de challenger les conceptions qu'on peut avoir et orienter notre façon de faire. Par exemple, sur la question de l'émergence de la vie sur Terre, la façon dont on va essayer de définir la vie de façon plus abstraite va peut-être nous pousser sur une hypothèse ou une autre. Les chercheurs, il y a plusieurs écoles de pensée sur comment est-ce que la vie a pu apparaître sur Terre. Et suivant le point de vue qu'on prend et la définition qu'on va prendre, on va plutôt aller sur l'émergence d'abord de certaines fonctions par rapport à d'autres, etc. Et alors, le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'était cette question-là, et notamment, je voulais parler d'un article qui est sorti en avril dernier, donc bon, qui est à une période où on s'intéressait pas trop à ces questions-là. On s'intéressait quand même à la vie, à la voilà, bien de la sûr. Vie. Et donc, c'est un article qui nous vient de deux astrobiologistes américains qui s'appellent Stuart Bartlett, qui est à Caltech, et Michael Wong, qui est à l'université de Washington, à Seattle, l'État de Washington. Mm-hmm. Et ils ont essayé de proposer une nouvelle définition de la vie au sens large, qui soit le moins, comment on pourrait dire, terreau centré, c'est-à-dire centré sur la vie telle qu'on la connaît. Alors, il faut savoir que en fait, cette idée de proposer une définition de la vie la plus large possible, évidemment, la NASA s'était déjà livrée à l'exercice. La NASA donc prétend chercher des formes de vie ailleurs que sur Terre. Et donc, il faut se fixer une définition, ne serait-ce que pour choisir quel type d'instrument on va mettre sur les sondes, etc. Et donc, la NASA a ce qu'ils appellent une définition de travail, donc encore une fois, pas une définition qui prétend être la réponse universelle, mais enfin qui leur permet de circonscrire. Voilà, le terrain, exactement. Ouais. Et donc, ils ont défini la vie au sens large comme, alors je vous la donne, c'est un système chimique auto-entretenu capable d'évolution darwinienne. Bon, quand on regarde ça, on se dit, oui, à peu près les composants qu'on a envie d'attribuer à la vie, c'est-à-dire, bon, c'est de la chimie auto-entretenue, c'est-à-dire que on a quelque chose qui est capable de se répliquer, de se maintenir. Et puis, il y a la partie capable d'évolution darwinienne, qui est peut-être un petit peu plus sujet à controverse, c'est-à-dire que, à la fois, c'est une caractéristique essentielle de la vie sur Terre, à la fois, on peut se demander si c'est pas un petit peu restrictif. Trop centré sur la Terre, oui. Et donc, nos deux astrobiologistes ont essayé d'aller encore plus loin et de proposer une définition qui soit plus large et plus proche de la physique et de la thermodynamique, sans être trop influencée par la biologie telle qu'on la connaît. Et alors pour faire ça, pour commencer, ils ont eu une démarche qui est intéressante, c'est qu'ils ont déjà proposé que on clarifie un peu le vocabulaire, c'est-à-dire que on utilise le terme vie, alors en anglais life, L-I-F-E, voilà, pour désigner la vie sur Terre telle qu'on la connaît. Donc voilà, les êtres vivants qu'on connaît, l'ADN, l'ATP, tout ça. Et puis ils ont dit pour le reste, on va utiliser un autre terme. Donc ils ont écrit life avec un Y, et donc ils disent qu'il faut le prononcer life. Un petit peu avec un accent cockney. Ou voilà, accent exactement. De Northampton, je sais pas d'où en Angleterre, mais oui. Et donc la life, ça serait la vie au sens large, possiblement dans une forme qu'on ne connaît pas, donc vraiment agnostique par rapport à ce qu'on connaît sur Terre. Et la vie life ne serait qu'un cas particulier de quelque chose de plus général qui serait la life. Et donc, ils ont essayé de trouver des critères qui soient les plus physiques possibles pour définir la life. Et ils ont proposé 4 critères. Et ces 4 critères, c'est, alors je vous les livre comme ça et puis je vais les expliquer, la dissipation, l'autocatalyse, l'homéostasie et l'apprentissage. Alors la dissipation, c'est une idée qu'on retrouve, qui est une idée thermodynamique, c'est l'idée d'avoir un système qui soit capable de consommer de l'énergie pour maintenir son organisation. Quand on regarde un être vivant, c'est quand même quelque chose de très très organisé, on est assez loin d'une soupe de molécules sans forme, et puis tous les êtres vivants consomment de l'énergie, donc voilà, il y a cette idée de consommer de l'énergie disponible dans l'environnement pour maintenir son organisation. L'autocatalyse, ça veut dire quoi? Ça veut dire la capacité à proliférer, à se répliquer. Donc pareil, quelque chose qu'on connaît bien dans notre vie à nous, c'est-à-dire c'est la division des cellules, la reproduction asexuée ou sexuée. L'homéostasie, c'est la capacité à se réguler, c'est-à-dire à faire en sorte que même s'il y a des perturbations extérieures, on arrive à maintenir certaines caractéristiques à peu près constantes. L'exemple le plus simple dans la vie telle qu'on la connaît, par exemple, c'est les êtres vivants qui maintiennent leur température. La température du corporel, voilà, s'il se met à faire plus chaud, je vais transpirer. S'il se met à faire plus froid, je vais trembler. Et ça va aider à réguler la température. Et puis, dernier critère, l'apprentissage. Ça, c'est un critère qu'ils ont choisi d'introduire pour essayer d'aller plus loin que l'idée d'évolution darwinienne. C'est-à-dire qu'on peut dire l'évolution darwinienne, c'est peut-être un peu restrictif, trop centré sur la Terre. Et ils ont dit finalement, l'évolution darwinienne, c'est quoi? C'est une forme d'apprentissage. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'une espèce, l'espèce arrive à intégrer des informations sur son environnement, à les mémoriser et à les utiliser pour améliorer ses chances de survie. Et donc, ils ont dit, bon, en fait, remplaçons l'évolution darwinienne par quelque chose de plus générique qui est l'apprentissage au sens large. Et donc voilà, ils ont défini la vie comme étant la réunion de ces quatre caractéristiques, et ils se sont livrés à l'exercice de réfléchir qu'est-ce qu'on connaissait aujourd'hui qui, par exemple, aurait certaines de ces caractéristiques, mais pas toutes. Par exemple, quelque chose dont on pourrait se demander intuitivement s'il est vivant, c'est un feu. Et par exemple, un feu c'est quelque forêt, chose. Voilà, par exemple, un feu de forêt. Donc, c'est quelque chose qui fait de la dissipation, ça consomme de l'énergie, etc. Ça fait de l'autocatalyse parce que ça peut se propager, se répliquer. Mais ça n'a pas vraiment les deux autres caractéristiques. Donc, voilà, le feu, c'est un des exemples de ce qu'ils appellent sub-life, donc quelque chose qui serait plus restreint que la life. Et voilà, ils sont livrés à l'exercice de trouver ça, et notamment à l'exercice d'essayer de trouver des ensembles de réactions chimiques qui aurait certaines de ces caractéristiques dans une démarche qui est plus de vie synthétique, c'est-à-dire qu'est-ce que je pourrais trouver comme vraiment système le plus simple possible, avec peut-être seulement quelques produits chimiques, qui posséderait ces caractéristiques-là. Alors pour l'instant, ils n'ont rien trouvé qui qui est les quatre caractéristiques. On connaît des systèmes qui ont par exemple dissipation, autocatalyse et homéostasie. C'est-à-dire on connaît des systèmes chimiques capables d'avoir des formes qui se répliquent. Alors si certains vont voir la vidéo que j'ai fait sur le sujet, j'ai montré quelques très belles animations qui montrent ça, voilà. Et l'idée, voilà, ça serait de voir est-ce qu'avec un système chimique très simple, on peut arriver à avoir les quatre caractéristiques. Si on y arrive, on pourra se poser la question, est-ce que vraiment c'est quelque chose de vivant? Peut-être ça nous amènera à re-réfléchir sur la définition, ou peut-être ça nous amènera à créer des critères qui permettront, en astrobiologie, de détecter de façon plus large des formes de vie qu'on n'aurait pas initialement imaginé être des formes de vie. Il y a par exemple des conjectures sur est-ce qu'il y aurait des formes de vie au cœur des étoiles, donc ça serait des choses évidemment basées sur des processus très très différents de la chimie telle qu'on la connaît, mais peut-être que c'est des processus qui réunissent ces quatre caractéristiques-là, et donc ça permettrait un peu de nous ouvrir les yeux vers des choses qu'on n'aurait pas forcément qualifiées de vivantes au départ. Et c'est assez vertigineux, parce que c'est vraiment philosophiquement même très intéressant de reconsidérer cette notion du vivant, de la vie, surtout en ce moment. Et moi, j'ai une question un petit peu autour de cette hypothèse-là, de cette proposition scientifique-là. Comment, expérimentalement, on va pouvoir mettre à l'épreuve ces quatre piliers-là? Est-ce qu'il y a des simulations qui sont envisagées? Comment ils vont faire pour, voilà, dire, là, on est face à une nouvelle forme, à cette nouvelle forme de vie? Alors une façon de faire, par exemple, ça serait de dire on va le faire d'un point de vue de la chimie, c'est on va prendre des produits chimiques qui ont certaines réactions et on va voir si en les combinant ensemble, on arrive à avoir l'émergence de ces caractéristiques-là. Alors ça c'est pas très facile à faire parce que la chimie expérimentalement c'est compliqué, il faut bien contrôler tout un tas de paramètres. Et donc l'approche qu'ils ont pris et que notamment Stuart Bartlett a pris pendant sa thèse, c'est d'utiliser de la simulation parce que simuler des réactions chimiques avec voilà, leur évolution dans le temps et dans l'espace, c'est des choses qu'on sait assez bien faire. Et donc, on peut utiliser des simulations pour un peu faire le tri, c'est-à-dire dire finalement, est-ce que j'arrive à ne serait-ce que sur le papier, ou en tout cas dans une simulation, concevoir un système de réaction chimique qui ait toutes ces caractéristiques-là. Et l'idée, imaginons, alors pour l'instant, voilà, ils n'ont pas encore réussi. Si on y arrivait, ça ne voudrait pas dire évidemment que la simulation est vivante, la question est un peu différente de est-ce qu'une simulation est un truc vivant, mais ça serait de dire, voilà, maintenant, si ça marche dans la simulation, on doit pouvoir le faire expérimentalement. Une fois qu'on l'aura fait, est-ce qu'on considérera que c'est vivant ou pas? Ou alternativement, si on trouve, par exemple, demain ou après-demain, sur Titan, un système de réaction chimique qui présente toutes ces caractéristiques, par exemple dans une mare de méthane, on voit des trucs qui se répliquent, qui réagissent à des changements de température, etc. Voilà, est-ce qu'on considérera ça comme vivant? Et donc voilà, l'approche de simulation est intéressante. C'est pas pour l'idée de dire que la simulation est vivante, mais c'est comme façon rapide de trier et d'investiguer ces concepts-là pour soit conclure qu'ils sont bons, soit conclure qu'il faut retravailler dessus. Est-ce qu'on a une idée un petit peu de l'accueil que réservent les exobiologistes, les astrobiologistes à cette LOIF, à ce nouveau concept? Alors, pour l'instant, j'ai pas eu trop l'occasion de lire de choses là-dessus. Il y a eu quelques articles, notamment il y a eu quelques articles qui ont été faits par le Guardian, où il y a eu des interviews d'autres astrobiologistes, voilà, qui accueillent pour certains favorablement, pour d'autres moins. Il faut voir que c'est une discipline qui est compliquée parce qu'il y a entre guillemets beaucoup de chapelles. Tout le monde a un peu sa définition de la vie. Il y a même un article qui s'est amusé à regarder toutes les définitions existantes de la vie, donc il y en a une centaine, et à compiler pour voir s'il y avait des choses communes. Donc voilà, à la fin, ce sont évidemment les expériences et les découvertes qui trancheront, mais ça reste une démarche intéressante de voilà se regarder de quelle manière un changement de définition peut changer notre perspective sur un problème de recherche. Mathilde Fontaise, une réaction à cette LOIF? Oui, bah moi je trouve que ça m'enthousiasme beaucoup, effectivement, parce que c'est vrai que les astrobiologistes, et même d'une manière générale, toute la discipline de l'astrophysique qui cherche à trouver de la vie sur des exoplanètes ou même sur Mars, etc., j'aime beaucoup cette image de dire qu'on regarde sous le lampadaire, quoi. C'est qu'on a vraiment notre exemple à nous sur Terre de vie, et il est extraordinairement difficile d'imaginer une biologie différente de la biologie terrestre. Il y a des essais, quand les astrophysiciens ont vraiment pu voir pour la première fois Titan, vous en parliez, on a commencé à imaginer des vies à base de méthane, etc. Mais ces travaux-là sont très restreints par rapport aux travaux qui sont menés pour se dire, par exemple, la vie sur Terre va dégager tel gaz, et donc du coup, si je regarde les exoplanètes, je vais chercher tel gaz dans son atmosphère, et si je le trouve, j'aurai peut-être une indication qu'il y a une vie sur... Mais en fait, on cherche la vie terrestre, oui, du coup, sur les exoplanètes. Donc effectivement, de mettre en commun comme ça toutes les définitions de la vie et de se poser la question de savoir si on peut avoir une définition quelque part purement chimique, puisque les éléments chimiques, eux, sont universels, et donc ils sont censés être les mêmes à 60 000 années-lumière que sur Terre, et comment est-ce que tout ça se structure pour arriver à quelque chose d'animé? se poser la question de la manière la plus large possible, c'est une voie passionnante. Olivier Lascar. C'était passionnant. Moi, je connaissais pas du tout cette LOIF. C'est extra, cette tentative de redéfinition. Il y a eu un événement dans l'actualité récente qui montre à quel point la question de la recherche d'une vie ailleurs que sur Terre, elle est pertinente et elle est vraiment présente maintenant à l'esprit des astrobiologistes. C'est ce qui se passe autour de Vénus, puisque dans les nuages de Vénus, on a détecté, enfin une équipe d'Édimbourg, je crois, a détecté un gaz qui est la signature du vivant sur Terre. Donc là aussi, on se retrouve dans une problématique qui est celle qui vient d'être décrite par Mathilde, qui est on cherche ce qu'on connaît. Donc élargir le spectre, c'est effectivement une question passionnante. Et on sait pas s'il y a de la vie sur Vénus, évidemment. Les extraterrestres peuvent en tout cas dormir sur leurs deux oreilles. On n'a pas encore trouvé de traces de leur présence. Why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt? Well, tonight we're going. What's the point of all these hoaxes? Is it the chicken and the egg time? Are we just yolks? Or perhaps we're just one of God's little jokes? We're sourcing the meaning of life. Is life just a game where we make up the rules while we're searching for something to say? Our fate? Is there a heaven and hell? Do we reincarnate? Is mankind evolving or is it too late? What's on that? Here's the meaning of life. Impossible de ne pas céder à l'appel du Meaning of Life par les Monty Python dans la méthode scientifique sur France Culture, puisque nous venons rien moins que de redéfinir la vie. On va maintenant continuer de se retrousser les manches avec vous, Mathilde Fontaise, et un sujet qui me fait transpirer d'avance, des anomalies dans la physique des particules. Alors, de quelles anomalies on parle? Il y en a trois qui sont présentées dans la revue Science et Vie, et pour quelles expériences finalement elles nous remettent en jeu? Mais en fait, oui, ce sont trois anomalies qui ont été détectées ces derniers mois ou années dans les trois plus grandes expériences de physique des particules du monde. L'une d'elles, c'est le LHC au CERN. L'autre, c'est Grande Sasso, une espèce de grotte énorme en Italie dans laquelle on met des cuves pour essayer de capter des petites particules. À 1500 mètres de profondeur. Voilà, c'est ça, une cuve. En l'occurrence, une cuve de 3,3 tonnes de xénon liquide enterré. Et puis la dernière, c'est au Fermilab aux États-Unis, donc un autre collisionneur de particules. Et donc là, on est dans une période un peu d'émulation qu'on avait vraiment envie de raconter parce qu'on est un peu dans un état de d'hébétude triste depuis la découverte du boson de Higgs. C'était le Graal, on l'a trouvé en 2012 et puis depuis il est parfaitement conforme au modèle standard. Donc le modèle standard, c'est cette théorie magistrale qui a été élaborée dans les années 70 et qui décrit toutes les particules et leurs interactions. C'est une théorie qui marche très bien. Sauf qu'on sait que c'est pas la fin de l'histoire, cette théorie. Les physiciens le savent en particulier parce qu'elle a plusieurs problèmes. D'une part, ses équations deviennent folles à haute énergie, ce qui est embêtant. D'autre part, elle ne décrit que 3 des 4 forces fondamentales. La gravitation n'est pas décrite par le modèle standard. Ensuite, il y a quand même une grande partie de l'univers qu'on s'explique pas en termes de matière. Il y a une matière noire les galaxies tournent trop vite parce qu'il y aurait comme ça une matière noire dans l'univers. Il y a une énergie noire qui semble accélérer l'expansion de l'univers. Et puis enfin, il y a toute une catégorie de ces particules, les neutrinos, dont on s'explique pas bien les masses, etc. Donc il y a ces anomalies, ces gros problèmes. Quand je parle d'énergie noire, c'est 68% de l'énergie totale de l'univers. Donc on n'est pas sur des petits problèmes, on est sur des très gros problèmes. Majoritaires. Voilà. Donc le modèle standard marche très bien, mais il a des énormes failles. Et donc le travail des physiciens, depuis déjà longtemps, c'est de se dire, bon, par où on attaque le problème, par où on attaque... Pousser dans ces derniers retranchements. Voilà, essayer de trouver quelque chose qui dévide ce modèle standard. Donc, contrairement à d'habitude, un imprévu en physique, ce serait une excellente nouvelle. Et donc le boson de Higgs arrive en 2012, et là, bam, bah, il est complètement conforme. Donc voilà, donc depuis au LHC, on l'étudie patiemment et puis en fait on voit qu'il continue d'être conforme. Et heureusement, entre-temps, sont arrivées ces trois petites anomalies qu'on détaille dans Science et Vie. Donc la première a été, je raconte à l'inverse, hein, oui. On part du plus récent. La première a été... Donc la dernière a été annoncée en juillet dernier. Donc c'est au CERN qu'a eu lieu cette découverte avec l'instrument LHCb. Et donc là, il s'agit du méson. Donc le méson, c'est une particule qu'on connaît, hein, qui est formée d'un quark et d'un antiquark. Hein. Vous savez, dans les particules, il y a des quarks. Et voilà. Et donc ce méson-là, ils ont étudié en fait deux petites anomalies sur ce méson. Donc patiemment, hein, en faisant des centaines et des centaines de mesures sur plusieurs années. Et c'est ce papier qui est paru en juillet et le résultat de toutes ces analyses et toutes ces études. Donc d'une part, ils ont détecté que quand il se désintègre, puisque ce méson se désintègre, il se désintègre avec les petites particules qui sont produites lors de sa désintégration, partent sous des angles qui ne sont pas ceux prévus. Pas conformes au modèle standard. Et d'autre part, quand ils observent une désintégration assez classique de ce méson, ils observent qu'il ne produit pas exactement la bonne proportion de particules par rapport à ce qui était entendu, à ce qui était attendu. Il y a plus d'électrons et de positrons, donc l'antiparticule de l'électron, et pas assez de muons, qui est un cousin de l'électron. Et donc ils ont regroupé ces deux particules-là, ces deux anomalies. Et en fait, ça suggère, mais on ne sait pas trop, hein, mais ça suggère qu'il y aurait comme ça, peut-être, des particules inconnues qui agiraient dans ces processus, sans qu'on, pour l'instant, on les voit, quoi. Alors après, il y a la deuxième anomalie. Donc là, ça se situe dans la cuve, dans la fameuse grosse cuve enterrée de Grande Sasso en Italie. Et donc là, c'est une cuve qui, au départ, avait été conçue pour chercher la matière noire. Hein. Donc ces particules, justement, dont on ne connaît rien. Hein. On les appelle matière noire, mais on ne sait pas, même pas si ce sont des particules. Et donc pour les capter, on a construit donc une très grosse cuve qu'on a remplie de xénon et en espérant. Pourquoi du xénon, juste, on peut rappeler? Parce que c'est un très gros atome. Et donc, du coup, il y a plus de chances parce que le principe, c'est de se dire les particules de matière noire, elles vont traverser. Il y en a peut-être une, même si elles sont toutes petites, toutes légères, il y en a peut-être une qui va collisionner avec un de ces atomes de xénon. Donc en fait, en concentrant le xénon comme ça dans une cuve et en le mettant 1500 mètres sous terre pour le préserver des autres particules qui viendraient brouiller le signal, avec des capteurs tout autour très précis, etc., on espère comme ça qu'il y ait une particule de matière noire qui arrive et que ça fasse scintiller le tout et qu'on puisse la détecter. Bon, depuis qu'il a été construit, on n'a rien vu. Sauf qu'ils ont affiné leur méthode, etc., pour essayer d'avoir plus de certitudes statistiques. Ils en sont arrivés à étudier comment est-ce que les électrons, à être capables en fait de détecter comment est-ce que les électrons de ces atomes de xénon vont pouvoir potentiellement bouger sous l'effet d'une particule inconnue. Et c'est là qu'ils ont vu une déviation. Alors c'est une déviation qui est toute petite, mais il y a un peu trop d'interaction avec ces électrons, un peu trop de... Ils appellent ça le recul électronique. Donc il faut imaginer cet électron qui bouge un petit peu sous l'effet de particules, donc il bouge tout le temps sous l'effet de particules normales, on va dire, dans le cadre du modèle, mais il bouge un peu trop par rapport au modèle. Et donc pareil, ça suggère qu'il y aurait peut-être une particule inconnue comme ça, qui viendrait un peu déranger l'électron du xénon. Au début, les chercheurs pensaient que c'était une erreur, mais c'est une erreur tenace, puisqu'ils ont refait l'expérience plusieurs fois, et chaque fois, ils ont retrouvé cette erreur. Donc ça les a quand même plutôt interloqué. Voilà, alors il y a juste un des artefacts, on va dire, de l'expérience qu'ils excluent pas complètement. C'est une histoire de tritium dans les détecteurs qui pourrait éventuellement jouer, mais ils l'ont exclu quand même. Majoritairement, on parlera après de la certitude statistique de ces trois découvertes parce que c'est toujours une grande question pour les physiciens des particules. Mais je finis quand même avec la dernière. Et la dernière, le muon. Donc là, c'est pareil, c'est une particule, le muon, qu'on connaît très bien. Et là, c'est une découverte d'il y a 15 ans, une première détection de cette anomalie il y a 15 ans, mais qui a été affinée depuis et qui est en cours d'analyse, en fait. C'était d'abord à Brookhaven, et puis ensuite, tout le matériel a été transporté au Fermilab pour pouvoir poursuivre les expériences et les faire de manière plus précise. Et donc là, le muon, c'est un cousin de l'électron, qui est beaucoup plus massif. Hein. On l'appelle souvent le cousin obèse de l'électron. Il est 200 fois plus massif. Et donc là, ils se sont aperçus, alors c'est un indicateur assez compliqué, mais pour résumer, il n'a pas le bon rapport entre la vitesse de rotation, c'est un petit aimant qui tourne sur lui-même en fait. Il n'a pas le bon rapport entre la vitesse de rotation et l'intensité magnétique. Et donc ce truc-là, c'est un... quelque part un paramètre qui est normalement donné par le modèle standard, et ils l'ont mesuré, et il a pas, le paramètre ne colle pas. Et pareil, ce serait peut-être une particule qui serait à côté et qui serait en train comme ça de déranger le magnétisme du mur. Et donc ces trois découvertes, on le disait tout à l'heure, c'est pas complètement sûr, ce sont des anomalies, on n'est pas dans... Alors, les physiciens des particules ont un jargon pour ça, ils parlent d'anomalies ou ils parlent de découvertes. Ils parlent de découvertes à partir du moment où il y a 99,9999% de chances que ce soit une vraie découverte, c'est-à-dire que ce soit pas un artefact. Problème statistique. Voilà, parce qu'il faut imaginer que toutes ces expériences, ce sont des expériences qui sont menées sur des années et des années avec beaucoup beaucoup de particules, qu'après tous ces résultats sont rassemblés et qu'après on peut faire une vraie statistique. Donc du coup, ils sont capables d'évaluer les statistiques et donc on est, si on résume, pour le méson à 99,6, pour le xénon à 99,98 et pour le muon à 99,98. Donc on est tout proche. Quand on le dit comme ça, on se dit, il y a quand même peu de chance, 0,02% de chance que ce soit une erreur statistique, mais il y a quand même encore une chance. Et on se rappelle aussi de choses comme la particule X, par exemple, qui avait été annoncée comme une découverte et qui finalement était juste un problème statistique. Il y a pas mal quand même, en physique de particules, d'événements qui sont finalement des non-événements. Oui, bah ça arrive. On s'est beaucoup amusé à consacrer un encadré à ça dans le dossier de Une de Science et Vie. On l'a appelé le grand cimetière des anomalies déchues. Et effectivement, il y a les fameux, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a plusieurs années, les fameux neutrinos qui vont plus vite que la lumière. Hein. En fait, au final, c'était un câble mal branché. Donc ça arrive rarement, ce type d'erreur, mais je me rappelle avoir, tout au début aussi du lancement du CERN, il y avait des anomalies. Et en fait, c'était le train qui passait. Donc évidemment, c'est des expériences d'une finesse incroyable. Et même quand on a enlevé les problèmes de mesure, hein, donc le cas des neutrinos plus vite que la lumière, etc., et quand on est sur vraiment les données pures, il y a des problèmes statistiques. Il faut être sûr qu'on n'a pas... On n'est pas en train de pointer un faux phénomène, en fait. Et donc, c'est pour ça que les physiciens ne parlent d'une découverte qu'à 5 sigma, comme ils disent, c'est-à-dire à 99,9999. Ils nous décrivaient, hein, on a une chercheuse du CERN qui a été très claire. Hein, elle dit, soit la nature essaie de nous apprendre des choses, soit elle nous taquine. La nature serait vraiment taquine si elle envoyait aux physiciens ces trois anomalies comme ça. Tout avec une certitude quand même assez forte, et aussi toutes qui théoriquement donnent lieu à des explications qui peuvent être en accord. C'est-à-dire qu'en fait, pour chacune de ces anomalies, les physiciens ont des idées de pourquoi, qu'est-ce qui pourrait s'être passé. Parce qu'immédiatement, il y a des théories qui vont s'affronter. Là, ça y est, ça démarre. Voilà, et ce qui est fascinant, c'est qu'il ne s'agit pas d'idées nouvelles. C'est-à-dire que, par exemple, après la sortie du papier en juillet dernier là, sur le méson, il n'y a pas eu des théoriciens qui se sont mis à travailler pour produire une nouvelle théorie pour expliquer cette anomalie. Non, non. C'est qu'en fait, dans le bestiaire, quelque part, des théories physiques qui sont élaborées depuis les années 70 autour du modèle standard pour essayer d'aller plus loin, eh bien, les physiciens ont pu piocher certaines idées qui permettent d'expliquer les mesures. Donc, par exemple, pour le méson, ça pourrait s'expliquer par le leptoquark, qui est une particule qui est inconnue, hein, qui serait massive, une espèce de particule furtive, qui permettrait aux leptons d'interagir avec les quarks et qui expliquerait du coup ces anomalies. Ça pourrait aussi être ce qu'ils appellent un boson Z'. Un boson Z', c'est comme un jumeau massif d'une particule qui existe, hein, dont on sait qu'elle existe, mais qui porterait une nouvelle force, en fait, une nouvelle interaction. Pour le xénon, on pense à l'action. C'est une particule très légère, imaginée dans les années 70, et dont on parle beaucoup en ce moment parce qu'elle résoudrait plein de problèmes dans différentes... Par exemple, elle pourrait être cette fameuse matière noire qu'on cherche. On pense aussi à la supersymétrie, aux neutrinos, à des neutrinos exotiques, à des photons noirs. J'en avais parlé dans une des précédentes émissions de la méthode scientifique. Ça avait beaucoup plu à Nicolas. Les photons noirs. Et il y a aussi les dimensions supplémentaires. Enfin bref, il y a tout un tas de petites théories, et c'est ça le mouvement qu'on a souhaité raconter aussi dans Science et Vie. C'est qu'il y a tout un tas de petites théories, en fait, qui jusqu'alors avaient plutôt été écrasées par une très grande théorie qui s'appelle la supersymétrie, qui avait été considérée pendant des années comme étant le meilleur moyen d'étendre le modèle standard, d'en faire une théorie plus générale et donc de résoudre les fameux problèmes que j'ai cités au début. Les physiciens des particules misaient vraiment sur la supersymétrie qui n'a pas été découverte au LHC. Et donc du coup, après, il y a eu une sorte de recul de cette théorie majeure et ont recommencé à émerger, à réémerger ces petites théories et qui là, du coup, sont sont encore plus boostés quelque part par ces anomalies. Et donc les chercheurs nous disent qu'ils ont changé de position, de stratégie de recherche. Parce que effectivement, un théoricien en l'absence de découverte, en l'absence de mesure, lui, il est bien obligé de choisir une théorie qu'il va développer. Et avant, ils étaient quelque part un peu tous derrière la supersymétrie en essayant de la pousser, de la développer de plus en plus. Et là, on voit qu'en fait, ils vont s'attacher, même si l'action, par exemple, ne va pas résoudre tous les problèmes du modèle standard, ben c'est pas grave. On va développer cette théorie de l'action, on va essayer de le détecter, et comme ça, après, on aura un nouveau point de vue pour pouvoir attaquer le modèle. Et pareil pour le photon noir, et pareil pour toutes les autres hypothèses. Et c'est fascinant, parce qu'on perçoit vraiment que c'est comme une bouffée d'air frais, comme ça, sur la recherche en physique des particules, avec des chercheurs qui sont très heureux de trouver ce genre d'anomalie, parce que ça leur permet de confronter le modèle standard. On n'a pas le temps d'en faire beaucoup plus, d'en parler beaucoup plus, mais je voudrais juste une rapide réaction de votre part, David Loipre. Oui, bah alors moi, ça me parle, parce que j'ai fait de la recherche en physique fondamentale il y a pas mal d'années, j'ai arrêté depuis, mais oui, il faut bien voir qu'en fait les physiciens théoriciens, ça fait 50 ans qu'ils sont affamés, c'est-à-dire qu'ils attendent quelque chose à se mettre sous la dent et il ne s'est rien passé de surprenant. Et donc effectivement, on a une tonne de théories alternatives potentielles. Dès qu'il y a une petite anomalie, il y a une tonne de nouvelles théories qui se produisent. Donc oui, tout le monde est affamé pour quelque chose de nouveau et surprenant. Effectivement, ça s'est déjà produit plein de fois. Il faut faire attention effectivement aux statistiques, c'est-à-dire que la vision avec les 99,99%, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que comme on regarde plein de choses, c'est pas parce qu'il y a ce chiffre très impressionnant que ça peut pas être une anomalie. Donc oui, effectivement, faut continuer à accumuler des résultats expérimentaux et croiser les doigts. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Et on termine ce tour d'horizon de l'actualité scientifique avec vous, Olivier Lascar. Vous enfilez votre chapeau d'Indiana Jones pour nous parler d'un objet bien mystérieux qui a un très joli nom, le disque de Nebra. Alors du nom de l'endroit où on l'a trouvé, hein, en Allemagne, une petite ville de 3000 habitants. Ce disque de Nebra, il est pas très imposant, hein, c'est pas le bouclier. 32 cm, ouais. 2 kg. C'est ça. Près. Alors il est geôlier, une jolie teinte verte qui lui vient du bronze dont il est fait. Et puis il y a des inclusions d'or qui, c'est des points. Mais ces points, en fait, ce sont des étoiles. Il y a 32 étoiles qui sont représentées sur le disque de Nebra. Il y a aussi un cercle qui pourrait être soit la pleine lune, soit le soleil. Un croissant de lune également. Et puis des arcs de cercle, deux arcs de cercle qui sont sur le pourtour du disque. Comme des barques un petit peu étranges. Il y en a une d'ailleurs dont les spécialistes considèrent que c'est une représentation des barques solaires qui sont à ces époques-là, puisqu'on va parler de l'époque qui est attribuée au disque de Nebra, sont des représentations qui sont associées au soleil et au mouvement du soleil dans le ciel. Alors on peut peut-être raconter l'histoire de cette découverte, qui est une histoire assez rocambolesque entre l'affaire Thomas Crown, Indiana Jones et puis les pieds nickelés, je crois. C'est un peu à peu près ça, quoi. Ah, complètement, Antoine, c'est ça. Il y a beaucoup de pieds nickelés, parce qu'enfin ils sont deux, hein, contrairement aux pieds nickelés qui étaient trois. Là, ils sont deux. Et, on est en 1999. Ce sont des pilleurs de trésors, et ils sont en train de traîner leur guêtre et leur détecteur de métal, hein, vous savez, ces sortes de poêle à frire à l'envers, ouais. qui font bip bip, bip. Là, voilà. Et ils sont sur le mont Mittelberg en Allemagne, près donc de la ville de Nebra, qui est un lieu qui est connu pour abriter des trésors archéologiques, des tombes princières. Donc ils cherchent leur trésor qu'ils pourraient vendre illégalement à qui serait intéressé. Et ils trouvent, ils le raconteront plus tard, et c'est ça qui va être sujet à discussion et à polémique, ils vont trouver à un endroit, ils vont creuser la terre, ils vont trouver un ensemble d'éléments, deux épées, deux haches, des bracelets, et puis ce fameux disque qui, au moment où ils le sortent de terre, eh ben, ils ne payent pas beaucoup de mine, hein, ça ressemble à un vieux couvercle. Mais bon, ils savent qu'ils sont dans un gisement, hein, c'est une mine à trésor. Donc ils prennent tout ça et ils commencent à essayer de vendre ça à des resellers, à des prix très importants, puisque ça commence avec une première transaction à 30 000 Deutschmark, hein, on est en 99, ils le vendent à un premier reseller, et ce reseller-là va essayer de le refourguer à des autorités très officielles qui sont les musées d'archéologie de Berlin et de Munich. À ce moment-là, les responsables en question rentrent en discussion avec le vendeur de ces objets, dont le fameux disque de Nebra, et ils commencent à flairer l'affaire pas très propre. Bon, ils ont des photos de l'objet, mais ils refusent, ils vont pas plus loin. Donc de l'autre côté, le reseller comprend aussi qu'il commence à être débusqué, donc il attend que la poussière retombe un petit peu. On parle peu du disque de Nebra pendant quelques années. Mais rapidement, il va essayer quand même de le remettre sur le marché des objets d'art. À côté de ça, en parallèle, le patron du musée de Berlin a conservé des clichés du disque de Nebra et il en parle à ses collègues. Et ça fait tilt auprès d'un autre archéologue qui lui dirige le musée de Halle, toujours en Allemagne, l'archéologue Harald Meller, qui, voyant les objets, voyant l'endroit, la zone géographique dans laquelle il travaille, il se dit c'est intéressant, il a envie d'en savoir plus. Et donc il rentre en discussion avec, ils arrivent à retrouver la piste des voleurs du disque, et ils commencent à rentrer en discussion, à faire croire qu'ils veulent l'acheter. Et là, il va monter un véritable guet-apens pour récupérer le disque. Ce guet-apens, il va avoir lieu dans un beau restaurant en Suisse, à Bâle. En 2002. Il fait venir le patron de Harald Meller, prend rendez-vous avec l'un des vendeurs du disque de Nebra. On se croirait en affaires sensibles, on a l'impression d'écouter Fabrice Drouet. Christophe Ondelat. Oui, Christophe Ondelat. Écoute. Et le reseller arrive, il a dans sa chemise, le bien disque. Plié dans une serviette, mais caché dans sa chemise, le disque de Nebra. Et à un moment donné, évidemment, Harald Meller, le patron du musée de Halle, lui dit « il faudrait que je le voie, il faut que je puisse constater de visu de la qualité de l'objet ». Et quand le receleur se dépoitraille pour mettre le disque de Nebra sur la table, 50 policiers qui étaient planqués dans le secteur en civil lui tombent dessus, c'est l'arrestation. Le disque est restitué à l'État allemand, à présent. Et... il faut le dater, il faut comprendre à quand il remonte, parce que ça a une importance considérable. C'est ce qui va faire la spécificité de ce disque et son succès. Parce que à partir de ce moment-là, effectivement, il rentre dans une filière classique officielle, donc il est restauré, il est analysé. Et la grande surprise, c'est que en travaillant notamment sur la datation au radiocarbone, sur des bouts de bois qui sont dans le manche des épées qui, rappelons-le, ont été trouvées avec le disque de Nebra. A priori, à côté. Cet a priori est important. On lui attribue une date. On dit il est vieux de 3600 ans. Moins 1600 ans avant notre ère. Ça veut dire qu'il serait un produit de l'âge du bronze, juste après le néolithique. Et c'est ce qui en fait... a priori aussi, la plus ancienne représentation du cosmos au monde. Ce qui fait que, immédiatement, immédiatement après étude, le disque est inscrit sur le registre de la mémoire du monde de l'UNESCO. Il devient un objet extraordinaire, puisque ce n'est que 200 ans plus tard que, du côté des Mésopotamiens ou des Hittites, on va voir émerger d'autres objets, d'autres représentations du ciel, de la mécanique céleste. Donc, avec le disque de Nebra, on a la preuve que les populations de l'époque du bronze, qui sont volontiers décrites comme assez primitives, elles ont le souci déjà d'observer les cieux, non pas dans des visées purement et uniquement esthétiques, mais parce que pour eux, c'est un instrument qui leur permet d'évoluer le mouvement des saisons et de savoir quand est-ce qu'il faut... le temps de semer, le temps de récolter. Voilà, ce serait en fait un calendrier agricole et peut-être un objet de culte. Ça, c'est tout est soumis finalement à interprétation. Mais il y a un mois, patatras, une étude vient tout renverser et potentiellement rajeunir ce disque. Cette étude, elle est produite par deux archéologues allemands, encore une fois. L'un travaille à l'université de Munich, l'autre de Francfort. Et selon eux, le disque serait 1000 ans plus jeune. Autrement dit, il aurait été produit non pas pendant l'âge du bronze, mais pendant l'âge du fer. C'est-à-dire à une époque où ce type de représentation est beaucoup plus commune. On a, dans tout le pourtour méditerranéen, d'autres civilisations qui vont représenter les astres. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en particulier sur le disque de Nebra, il y a une petite grappe d'étoiles qui sont rassemblées, elles sont 6 ou 7. La constellation des Pléiades. Les Pléiades. La constellation des Pléiades qui, à ces époques, serait associée à l'arrivée du printemps et de l'automne. Quand elles sont visibles à l'œil nu dans le ciel, ces étoiles qui appartiennent à la constellation du taureau, à ces époques-là, leur vision dans le ciel pourrait correspondre au passage des saisons. Donc si le disque de Nebra est produit à l'époque de l'âge du fer, il est un objet archéologique de valeur, mais il n'est qu'un parmi d'autres dans toute une galaxie d'objets qui représentent le ciel. En revanche, s'il est 1000 ans plus vieux et s'il date de l'époque de l'âge du bronze, il est le plus vieux à représenter le ciel. Et évidemment, on comprend que sa valeur symbolique n'est plus du tout la même. Et c'est ce qui crée du coup une tension immédiate entre les personnes qui publient cet article récent et les personnes qui avaient fait la première datation. Alors comment on peut trancher ? Alors les archéologues ne sont pas des tendres entre eux. L'archéologue est un loup. Il y a tellement peu de choses à se mettre sous là-dedans que... Oui. Il faut vraiment dire que ce n'est pas parce que les deux auteurs allemands ont produit ce texte très récemment, c'est pas les derniers qui parlent qui ont raison. Mm-hmm. Donc cette étude, elle a beaucoup étonné, parce que quand le disque de Nebra est arrivé dans cette filière officielle et qu'il a été restauré, il a été étudié sous toutes les coutures. Il y a notamment un grand spécialiste autrichien de l'archéométallurgie qui est allé voir le cuivre qu'on trouve dans le disque et qui s'est rendu compte que c'était les mêmes gisements d'autres objets qui dataient effectivement de l'âge du bronze. Donc il y a beaucoup quand même de preuves qui plaident pour une antériorité pour l'âge du bronze. Ce que disent les deux nouveaux chercheurs, ils ne sont pas allés voir l'objet lui-même, ils sont allés voir les conditions de sa les analyses qui ont été faites après sa découverte. Et c'est tellement rocambolesque que effectivement il y a 36 angles d'attaque. Et ce qu'ils disent, c'est qu'il y a une confusion sur l'analyse de la terre qu'on a trouvé, des sédiments qu'on a trouvé en infime quantité, mais qui restaient incrustés sur le disque de Nebra. On a analysé cette terre et on l'a comparée à la terre du trou de la montagne Mittelberg, où nos deux pieds nickelés ont dit c'est là qu'on l'a trouvé. Et à l'époque, on a dit oui, les sédiments collent, c'est bien la preuve que le disque de Nebra vient de cet endroit-là. Et donc, il a été effectivement retrouvé avec les épées, les haches, à propos desquelles il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de départ. Elles viennent bien de l'âge du bronze. Nos deux auteurs de Francfort et de Munich, dans leur publication récente, disent « Non, c'est pas clair, cette analyse des sédiments, elle n'est pas claire. On ne peut pas dire de façon certaine que le disque de Nebra provient du même gisement » des autres trésors qui, eux, viennent de l'âge du bronze. Et ce qu'ils prétendent, c'est que le disque de Nebra a été trouvé un peu plus loin sur la montagne Mittelberg, dans un endroit dont on sait qu'il y a davantage d'objets qui viennent de l'époque du fer. On perçoit là toute la sensibilité de cette affaire qu'on va suivre, qui va continuer à faire couler sans doute beaucoup d'angles. On n'a pas le temps de faire un dernier tour de table, mais peut-être juste un dernier tour de table quand même rapidement. Olivier Lascar, à la une de Science et Avenir ce mois-ci, qu'est-ce qu'on trouve ? Alors l'hérédité, c'est le titre de une, ce que révèlent les gestes. On parle notamment de ces tests dits récréatifs qui sont interdits en France, mais quand même fort utilisés. Mathilde Fontaise, à la une de Science et Vie. À la une de Science et Vie, une nouvelle matière, on en a déjà parlé, et puis un papier sur la nicotine et les effets insoupçonnés positifs de la nicotine. On en a parlé pour le Covid, mais la nicotine agit pour d'autres maladies. Et David Loapre, on peut retrouver votre dernière vidéo en date consacrée à la LOIF sur votre chaîne Science Étonnante. On va vous mettre tous les liens sur notre fil Twitter. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus aujourd'hui. Merci également à toute l'équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Natacha Triou, Eve Etienne, Céline Lozen, François Malordi, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Clément Daté. Lundi, vous retrouverez Nicolas Martin, nous parlerons de l'éradication de la poliomyélite. Mardi, il sera question des trous noirs intermédiaires. Mercredi, que va nous apprendre le nouveau synchrotron de Grenoble? Jeudi, on fêtera le bicentenaire de la première expérience d'électromagnétisme et on posera la question de la quête d'unité en physique. Enfin, vendredi, émission fiction, nous parlerons du livre collectif Nos Futurs qui vient de paraître chez ActuSF. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end. Thank you.